de l'esclavage. Puisqu'aucun homme n'a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes. Si un particulier peut aliéner sa liberté et se rendre esclave d'un maître, pourquoi tout un peuple ne pourrait-il pas aliéner la sienne et se rendre sujet d'un roi? Il y a là bien des mots équivoques qui auraient besoin d'explications, mais tenons-nous-en à celui d'aliéner. Aliéner, c'est donner ou vendre. Or, si un homme qui s'est fait esclave d'un autre ne se donne pas, il se vend tout au moins pour sa subsistance. Mais un peuple, pourquoi se vend-il? Bien loin qu'un roi fournisse à ses sujets leur subsistance, il ne tire la sienne que d'eux. Les sujets donnent donc leur personne, à condition qu'on prendra aussi leurs biens. Je ne vois pas ce qu'il leur reste à conserver. On dira que le despote assure à ses sujets la tranquillité civile. Soit, mais qui gagne-t-il? Si les guerres que son ambition leur attire, si son insatiable avidité, si les vexations de son ministère les désolent plus que ne ferait leur dissension, qui gagne-t-il si cette tranquillité même est une de leurs misères? Dire qu'un homme se donne gratuitement, c'est dire une chose absurde et inconcevable. Un tel acte est illégitime et nul, par cela seul que celui qui le fait n'est pas dans son bon sens. Dire la même chose de tout un peuple, c'est supposer un peuple de fous. La folie ne fait pas droit. Quand chacun pourrait s'aliéner lui-même, il ne peut aliéner ses enfants. Ils naissent hommes et libres. Leur liberté leur appartient. Nul n'a le droit d'en disposer qu'eux. Avant qu'ils soient en âge de raison, le père peut, en leur nom, stipuler des conditions pour leur conservation, pour leur bien-être. Mais non, les donner irrévocablement et sans condition. Car un tel don est contraire aux fins de la nature et dépasse les droits de la paternité. Il faudrait donc, pour qu'un gouvernement arbitraire fût légitime, qu'à chaque génération, le peuple fût le maître de l'admettre ou de le rejeter. Mais alors, ce gouvernement ne serait plus arbitraire. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. Il n'y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce à tout. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l'homme, et c'est ôter toute moralité à ses actions que d'ôter toute liberté à sa volonté. Le juriste hollandais du VIe siècle, Grotius, et les autres tinrent de la guerre une autre origine du prétendu droit d'esclavage. Le vainqueur ayant, selon eux, le droit de tuer le vaincu, celui-ci pourra acheter sa vie aux dépens de sa liberté. Convention d'autant plus légitime qu'elle tourne au profit de tous deux. Mais il est clair que ce prétendu droit de tuer les vaincus ne résulte en aucune manière de l'état de guerre. La guerre n'est point une relation d'homme à homme, mais une relation d'état à état, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme homme ni comme citoyen, mais comme soldat, non point comme membre de la patrie, mais comme ses défenseurs. Enfin, chaque état ne peut avoir pour ennemi que d'autres états et non pas des hommes, attendu qu'entre choses de diverses natures, on ne peut fixer aucun vrai rapport. La fin de la guerre étant la destruction de l'état ennemi, on a le droit d'en tuer les défenseurs tant qu'ils ont les armes à la main. Mais, sitôt qu'ils les posent et se rendent, cessant d'être ennemis ou instruments de l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes et l'on n'a plus de droit sur leur vie. À l'égard du droit de conquête, il n'a d'autre fondement que la loi du plus fort. Si la guerre donne point au vainqueur le droit de massacrer les peuples vaincus, ce droit qu'il n'a pas ne peut fonder celui de les asservir. Ainsi, de quelque sens qu'on envisage les choses, le droit d'esclavage est nul. Non seulement parce qu'il est illégitime, mais parce qu'il est absurde et ne signifie rien. Ces mots, esclavage et droit, sont contradictoires. Ils s'excluent mutuellement.